J'ai fait l'homme brave en pétant le crâne, lâcher les loups, complice ça. Une bête en cage, te casse ta bouche comme les genoux de Tony Jaa. L'air interrongé par les gras, fier d'y arriver par de l'esquive. Rien que j'ai rodé pas les nœuds d'être validé par les petits. Flamme de dragon noir, détaché, laisse place au cassos. Je vois les choses différemment depuis que ma femme a le crâne chaud. Ils doutaient tous qu'on ferait le boulot, mais vise la route d'abord et ferait l'écho. Braise et prose, arrêtez de dire que c'est lourd alors que je pèse mes mots. Paye la facture, brûle les épreuves et le plat de nouilles. Y'a que la méfiance et la hargne vu les erreurs de parcours. Vise pas la schneck du lobe, ça brûle, n'épargne ton rêve. Sauf si t'en vends pas plus, renvoie la force, la pure. Ton lobe d'oreille dans une enveloppe à bulles. Dis pas que je m'occupe pas trop de mes gosses. Vu le magot, je m'écorche et se faire finir à terre par Nurmagomedov. Le pic découpe, esquive les coups, et puis effonce. D'accord, l'affront m'apporte, le fond, la forme, frérot, c'est le tigre et l'ours. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Ils veulent faire croire que c'est chez nous que ça va pas. Bise des tours et savatage. Aiguise les cours, révise les cours. J'ai plus le nez rouge de Zavatage. Des vertes élites de sang. C'est le son du tourne-disque. Les MC qui m'entourent le 10. Renvo les caisses des SP 1200. J'débarque au kick, snare et les ayats 100 balles. Seul j'manque pas de seum. T'as cru que les barreaux qui se lèvent. C'est des ayats. Souvent se dégrade les charmes. Mais le son nous anime à s'immoler. Mes bras, les charge des sangs de Nina Simone et Brad les charles. 33-45 ou même 78 tours. 500 qui suit le tour. Parlons simple à chaque couplet. Level augmente d'un cran, je crois. Ça paiera pas de passer le temps seul. Glock est pas trop net, un tas de problèmes. J'englobe, j'ai pas trop d'aide. J'parle à mon séquenceur, à trop d'aide. Tout un tas d'ambitions dans ce bis métaphorique. Oui, mais j't'aphorite. T'es un simple MC qui a des envies de son. Technique ancestrale, passe mec négligent, c'est rap. Exigeant sec, j'gratte ce qu'on cherche, évident que c'est rap. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. J'arrive en bombe, et ces bâtards s'y attendaient pas. Je m'active dans l'ombre, le tonnerre gronde. Monte le sang dans tes paves, collal zeb, mon art pèse. Sur l'arpège à la ponque, je frotte ma tête, vend de la mèche. Nous, on fera jamais ça, j'écope ma haine. Dealer, de passer le message, gueule la réalité. Frère, je peux pas rester sage, donc je laisse des marques. Au même grade que j'en prends, je fais mes pailles, ce qu'ils en pensent, dis-leur bien que je m'en branle. Je suis qu'un enfant dans la tête d'un grand. J'ai pris des claques, je suis plus le même qu'avant. On croit tous que la vie est belle dans un fer allemand. Ce que je fais maintenant, j'aurais dû le faire avant. Mais je regrette rien, sale tempérament, je me tempère rarement. Dépasse pas tes soucis en les regardant. Avec du recul, les perdants sont les gagnants. Mon cahier, seul témoin de mon égarement. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes. Le plus harassant nous laissera. Notre art nous rassemble et nous laissera. Bien pire nous attend sous les catacombes. Comme en temps de guerre, même face aux plus fous, les catacombes.